À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, les syndicalistes et les propagandistes primaires de l'Union des syndicats ont visité du 20 au 28 courant les anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mont-Bektou. Ils ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung érigées au monument à la victoire dans la bataille de Potsombo, à l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Potsombo, au campement de Tsombon, en monument à la bataille du district de Musan et au bord du lac Samdi, et la fresque en mosaïque de l'ancien consacré du Mont-Bektou qui représente les trois grandes figures du Mont-Bektou avant de formuler l'hommage. Après avoir visité l'ancien consacré du Bektou, ils ont organisé un meeting de résolution devant la maison natale à l'ancien consacré. Pendant le pèlerinage, ils ont organisé diverses activités politico-culturelles comme l'exposé des souvenirs, le récital poétique et les compétitions sportives et distractives.